Cette semaine à l'émission, une mise à jour importante de Lightroom et Photoshop, le Huawei P40 Pro Plus, meilleur de sa catégorie, et on dévoile nos projets pour cet été. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 168. Stéphane Vaillancourt au micro, je suis en compagnie de Christian Jarry. Salut Christian. Hey, salut Stéphane. Comment vas-tu? Pas pire. Fatigué, disons que j'ai hâte que les vacances arrivent. Pas les vacances du podcast, les vacances en général, mais... ouais, c'est ça. Ben, d'ailleurs, on va en profiter pour le mentionner tout de suite. C'est le dernier épisode de la saison régulière avant notre pause estivale annuelle. Par contre, ben, j'en profite pour l'annoncer. Pendant l'été... il va y avoir des épisodes spéciaux, donc du contenu exclusif pour les membres Patreon. Donc, si jamais vous voulez écouter nos, ben, ma voix, en tout cas, je ne sais pas si Pierre-Luc ou... Si... ouais, de temps en temps, je ne dis pas, là, mais cet été risque d'être un été infernal, disons. Oui, c'est ça. Non, mais ben, moi, je prévois faire les épisodes, mais si jamais tu me dis « Hey, ça me tenterait de parler de tel sujet », ben, t'es le bienvenu. Mais moi, j'ai déjà quelques sujets en banque, là, donc j'en profite pour dire aux gens... si vous êtes membre Patreon du niveau APS-C ou supérieur, vous aurez accès automatiquement à ces épisodes exclusifs. Et il va y en avoir au moins un par mois, sinon deux. J'essaie d'en faire deux au moins par mois pendant l'été. Après, on verra. Puis, ça ne sera pas enregistré avec des spectateurs à l'occasion parce qu'éventuellement, on invite les gens à nous écouter lors des enregistrements aussi là, pour les membres Patreon. Mais ces épisodes-là vont être enregistrés parce que ça va être un peu plus technique. Des fois, ça va être des explications, etc. Donc, ça va être vraiment enregistré dans le confort de mon foyer, de mon studio. Mais c'est ça. Donc, puis pour le premier, ben, c'est les mesures d'exposition sur l'appareil photo. Donc, à quoi ça sert? Quand est-ce qu'on devrait changer le mode d'évaluation de mesures d'exposition, etc.? Voilà, ceux qui veulent... Ben, me semble que c'est évident, c'est quand tu veux mesurer les expositions. Oui, c'est ça. Non, mais à quoi ça sert le spot, le multi, t'sais, la mesure pondérée centrale? Donc, c'est ça. Ça va être... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent puis qui s'en servent pas vraiment parce qu'ils comprennent pas trop comment ça fonctionne. Et ça fait une grosse différence. Oui, oh, oui, c'est un meilleur, bien meilleur contrôle de l'exposition de ces photos. Donc, ben, suspense, la suite quelque part en juillet pour cet épisode spécial. Qu'est-ce que tu as fait, toi, côté photo depuis le ben, depuis deux semaines? Ça fait deux semaines qu'on s'est pas vu. Oui, et, je sais. Et comme avant je te dis, je suis... Oui? Et, non, mais avant que tu dises « Ah, nana », ce qu'on va faire, c'est vrai, on va... bon, tu peux parler si tu en as fait depuis le dernier épisode, mais... qu'est-ce que tu prévois faire côté photo aussi cet été? Parce que là, ben, tu tombes en vacances du podcast. Oui, quand je vais te dire, tu vas comprendre que ça ne sera pas des grosses vacances cet été. Non? Ah, OK. Ouais. Ben, oui, donc je vais, j'ai le goût d'en faire. Ben, je pars, tant que j'essaie de calculer, 5 fois en camping. Fait qu'on va, c'est sûr et certain, je vais toujours en profiter à ce moment-là. Je prends toujours des photos quand je pars en camping, c'est sûr et certain. Mm-hmm. Mais l'autre petit travail, c'est que, voyez-vous, on refait la cuisine. Donc, l'installation des cabinets et tout ça, c'est professionnel, mais c'est moi qui refais tous les planchers du rez-de-chaussée au complet et les barrières et tout le kit. Alors, ça va être... un beau petit été tranquille, comme je peux dire. Mais j'ai pensé peut-être essayer de documenter ça avec des photos, time-lapse, etc. Je vais voir comment je vais m'y prendre, là, je sais pas. Time-lapse, oui. Peut-être. Je sais pas. J'ai réfléchi. Ben oui. J'ai réfléchi. Il va falloir que je le teste avant, mais je sais pas. J'essaie de penser à comment que je vais m'y prendre, si je fais quelque chose ou pas, là. Ça va dépendre de... Mais t'as une belle occasion. J'ai une belle occasion. Refaire tes planchers et ta cuisine, c'est l'occasion idéale de faire un time-lapse. François l'avait fait dans ses rénovations à la maison. Mm-hmm. Ouais, c'est pour ça que j'y pense. Puis, ben, c'est clair qu'il va y avoir des photos avant-après. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là, ouais. Mais j'essaie. Je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis tu demandais aussi les photos qu'on a faites dans les dernières semaines. J'en ai pas fait beaucoup. Cela dit, ma fille, demander de l'aider pour faire un projet photo parce que pour l'école, un des derniers qu'elle avait besoin de faire, puis elle avait besoin de mon aide pour faire quelque chose qui était l'idée du prof. Ben, on en a déjà parlé, je pense, ou en tout cas, moi, j'en ai beaucoup entendu parler, c'est des artistes qui ont repris des peintures. Ben, pas des artistes, ça peut être du monde ordinaire ou quoi que ce soit. Ils ont repris des peintures célèbres, puis ils ont fait leur interprétation. Puis la prof, c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait une interprétation, quelque chose de célèbre. Puis ma fille a voulu refaire Marilyn Manson. Marilyn Manson. Ouh! Marilyn Monroe. De Andy Warhol, quand il y a les 9 portraits avec les couleurs, tout ça. Mais le petit twist spécial, c'est qu'elle voulait pas être sa photo, elle voulait que ce soit le chien. Ah, OK. Mais on a édité le chien comme ça, et on y a même fait les cheveux de Marilyn Manson, de Marilyn Monroe, tout ça, je suis pas capable de le dire. Édité sur la tête, ça a l'air complètement fou, mais ça marche. C'est drôle, c'est comique. Ben oui. Fait que ça a été une chose, mais prendre des photos d'un chien qui, dans une position particulière, c'est pas super facile. Ça a été un beau petit défi, disons. J'ai réussi à en faire des pas si mal, mais pas rien d'extraordinaire. Puis l'autre chose, ben, je redécouvre ma GoPro aussi, où ce que, tu sais, c'est le beau temps qui est dehors, alors il y a la piscine, et j'essaie de faire des ralentis, des choses le fun avec la GoPro, j'essaie toujours de trouver qu'est-ce que je peux faire avec. J'aimerais ça retourner probablement à faire du kayak ou des choses comme ça, un petit peu plus... qui bouge un peu plus, disons, là, pour essayer de faire de quoi de le fun avec ça. Mais ça pourrait pas servir à faire ton timelapse, la GoPro? Oui, okay. J'y ai pensé. Il va falloir que je trouve, par exemple... c'est con, mais je l'ai jamais utilisé en mode connecté. Il faut juste que je vérifie comment ça fonctionne. J'imagine que tu peux juste la faire plugger... dans une alimentation de batterie, je suis pas sûr, là, va falloir que je vérifie, c'est con, là, je suis sûr que c'est rien de majeur, mais comme je l'ai jamais fait de façon connectée, je suis pas complètement sûr de comment que ça fonctionne, là. Je suis pas sûr que c'est un adaptateur mural à USB. C'est ça, je pense que oui, je pense que c'est juste ça que tu as besoin, je sais pas, comme je te dis, je l'ai pas essayé, fait que je sais pas du tout, là. Qu'est-ce qu'il y en a? Mais c'était ma GoPro, c'est clair que si je le fais, ça va être la GoPro. Là. J'ai l'intention, tu sais, probablement de la mettre à un coin de la cuisine, essayer de la fixer quelque part pour qu'on puisse voir le mieux possible en hauteur, voir les travaux ou quelque chose du genre. Là. Ça va être à déterminer. Là. Évidemment, après avoir peinturé le plafond, ça aussi, c'est l'autre job. Oui. Puis quand tu fais de la photo, parfois, est-ce que tu portes des protège-genoux? Non. Si tu as à t'agenouiller longtemps. Non. Mais je te le conseille pour ton plancher. Ah oui, oh, ça c'est clair, net et précis, c'est sûr et certain. Oui, oui. Surtout en plus que moi, c'est pas du bois qu'on met, c'est de la céramique partout. Ça aussi, ça va être fun. Okay. Ça aussi, ça va être plaisant. Oui. Une belle expérience. Oui, une belle expérience. Je l'ai déjà fait que je sais que ça va quand même assez bien. Puis on va être plusieurs. J'ai beaucoup d'aides qui m'ont été gracieusement offertes. Alors je vais l'apprendre, tu peux être sûr et certain, là. Parce que l'important, c'est de faire surtout l'étage du haut. Après ça, il y a comme un salon qui est une petite chose plus bas. Ben, ça, au pire des cas, si c'est pas fait avant qu'on fasse la cuisine, c'est pas dramatique. Là. C'est surtout le premier étage. Mm. Mais bon, c'est ça. Ça va être le fun. Mm. Super. Mais c'est ça. Je vais voir. Pour les photos, j'aimerais ça peut-être aussi essayer de refaire des photos d'étoiles. Je vais essayer de voir où ce que je pourrais y aller. Là. Encore une fois, va-t-il falloir que j'aille quelque chose qui s'appelle du temps? Oui. moi, de mon côté, ben, depuis la semaine dernière, depuis le dernier épisode, je suis allé voir l'exposition des momies égyptiennes au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Puis, j'ai vu tes photos, ça a l'air pas mal beau. Ben oui, je me suis bien amusé. En tout cas, j'ai pris au total pas tant de photos, j'en ai pris à peu près 125, quelque chose comme ça. Puis j'en ai, après un premier tri, j'en avais comme 52. Puis là, j'ai dit « Ah non, j'en veux entre 30 et 40. » J'en ai mis 35 dans mon album. Puis c'était parfait comme ça. Je mettrai le lien dans... Tu sais que c'est quand même absurde quand on y pense là, que tu n'en as pas pris tant que ça. Tu en as pris 125. Tu sais, avant, avec un appareil photo, on en avait 24. Puis 36, quand on avait 3 de bonnes ou 36. Mais quand tu avais 3 ou 4 de bonnes, tu étais heureux. Oui. Mais non, écoute, tu sais, des bonnes que j'aurais dit « OK, celle-là, je l'ai... » Je suis content vraiment, j'en ai peut-être 3 là, sur mes 35 que j'ai choisis, là, dont celle que j'ai mis comme photo de couverture sur Facebook, là, la momie inversée là, que tu vois à partir de la tête vers le pied. Oui, très cool. Ça, je l'aime vraiment bien. Mm. J'en ai revu d'autres, j'en ai fait d'autres dans tous les sens, même une autre dans cette même direction, mais ça n'a pas le même effet. Mm. Puis je leur ai tout donné un petit look vintage, mais juste pour dire, donc enlever un petit peu de contraste, puis jouer un peu dans la courbe... En tout cas, je me suis amusé dans Lightroom. Ouais, ça, c'est intéressant. Tant qu'il n'y a pas d'abus, c'est toujours intéressant. Ben, c'est ça. C'était vraiment subtil, juste pour dire que c'était pas juste une photo plate. Ouais. Ben, pas plate, mais ordinaire. Non, non. J'ai juste une petite affaire. Puis cet été, ben moi aussi, j'espère faire de la photo d'étoiles. J'ai parlé à mon cousin qui habite dans le bout de Montmagny, puis il m'attend quand je voudrais bien y aller. Beau coin. Idéalement, il aimerait ça que j'apporte un drone avec moi, mais j'en ai pas, sauf que je vais essayer d'en trouver un entre-temps pour parce qu'il voudrait faire de la photo au-dessus de son terrain, au-dessus de la forêt qui l'entoure et tout ça. Puis il voudrait expérimenter ça un peu. Fait, je vais essayer de lui en trouver un pour avant d'aller lui rendre visite. Mais sinon, écoute, il va juste rester à trouver un soir où il annonce pas de nuages, puis qu'il n'y a pas trop de lune ou pas de lune du tout, comme ça avait été le cas il y a 2 ans. Là, cette soirée-là, c'était incroyable. Donc, je me croise les doigts. J'espère que ça va fonctionner. Puis, ben, je vais continuer de préparer mon exposition photo qui était prévue au début mai, puis qui a été repoussée à cause de la pandémie. Mais, de quoi, donc? Ouais, cette situation internationale-là. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'est même pas local, c'est genre partout. Peu importe où j'avais. Oui, clairement. Peu importe où j'aurais voulu faire mon expo, ça aurait été reporté. Donc, mais là, c'est ça pour. Je vise l'automne là, pour vraiment prendre le temps de finaliser. Mais là, comme j'en ai parlé aussi au dernier épisode avec Pierre-Luc, j'ai des idées pour des séries aussi de photos. Donc là, je viens de publier ce soir même sur Instagram la première de la nouvelle série avec des livres vintage. Donc c'est un petit peu comme celle des contrôleurs de jeux vidéo, là, mais là, c'est des livres, dont un qui date de 1922. Donc un vieux livre, presque 100 ans. Puis, ben oui, c'est vrai. Hein? Quand tu fais le calcul, on n'est pas loin, là. Oui, c'est 1922, c'est déjà 98 ans. Bon, ben c'est ça. Donc, j'ai plein de projets. J'ai des projets pour le podcast, évidemment. J'ai un paquet de trucs. Là, bon, on s'est amusé à faire des tests vidéo. On est encore au statut de test, en tout cas en ce qui me concerne. C'est vraiment des essais, comme là, j'utilise OBS Studio pour enregistrer la portion vidéo et tout ça. Puis éventuellement, ben là, je veux aller un petit peu plus loin aussi. Là, faire vraiment mon intro avec OBS pour l'enregistrement, avoir à le faire d'un coup parce que là, je me tape le montage par après, donc en post-production. Mais mon but, c'est que d'ici cet automne, je sois en mesure de lancer l'émission avec la musique, avec les écrans d'intro, etc. Puis tout faire ça live. On verra. Je sais pas si c'est un défi, réussir, ça. C'est tout un défi. J'ai regardé peu, là, mais c'est pas évident, oui. Ben, parlant de défi, on avait un défi photo. Hein, as-tu vu le lien de maître? incroyable. On avait un défi photo depuis qu'on a lancé, il y a quoi, un mois à peu près? On avait laissé 2 semaines aux gens pour nous soumettre leurs photos, puis 2 semaines pour qu'ils puissent voter pour la photo qu'ils préféraient. C'était les objets de tous les jours vus différemment, vu dans un angle différent. Donc, on a eu plusieurs soumissions, pas loin d'une quinzaine, je pense. Puis, les gens ont bien répondu. Beaucoup de votes, beaucoup de membres, en fait, de gens qui se sont abonnés à notre serveur Discord, puis qui sont venus aussi discuter. On a des gens là, qui parlaient de sacs photos cette semaine, puis on pourra peut-être en reparler dans un épisode futur. Ça semble un sujet... On en a parlé, je pense, au premier ou deuxième épisode, les sacs photos. On était dû pour le refaire, hein? Je pense que oui. On est dû pour le refaire 8 ans plus tard. Ça a beaucoup changé. Donc, évidemment, les modèles que moi, je possède, ça n'existe plus. Puis, oui, ça sera intéressant de faire un petit rafraîchissement à ce sujet-là. Ça, puis il y a des nouveaux, sans dire de nouvelles classes, mais je te dirais qu'il y a des nouvelles modes qui sont arrivées, des choses qui sont plus populaires qu'auparavant. Ouais. Fait que ça pourrait être pertinent, c'est bon ça, à prendre en note. Oui, oui. Parfait. Puis, ben voilà, la photo gagnante, roulement de tambour virtuel, c'est la photo stylo de Sébastien Manodrita avec 11 votes. C'était une photo pas mal abstraite. Oui, vraiment. Non, très cool. Il fallait savoir que c'est un stylo. Oui, c'était intéressant pour ça, justement. Fait que tu voyais, c'est comme une espèce de bille avec un point au centre, avec une ligne horizontale. Puis là, tu sais pas trop, mais là, dès que tu vois stylo, ah ben oui, c'est sûr, mais c'était vraiment génial son idée. Donc, félicitations, Sébastien. Tu te mérites toutes nos félicitations. C'est bon. Mais Sébastien, qui est un auditeur de longue date, ça fait des années qu'il nous écoute, alors on l'en remercie. Et puis, deuxième place, tiens, mention honorifique à l'épluche patate façon nature morte de Quentin Pardilos. C'est l'émotion, pardon. Oui, c'était assez spécial ça avec, mais c'est bon. Oui, oui, c'était intéressant. C'est sûr que c'était tout un setup, là, toute une organisation, mais la photo est vraiment intéressante. Et puis, ben voilà, donc deuxième place. Et en troisième place, il y avait l'ami Laurent Biot et moi-même, mais moi je participais vraiment juste pour donner l'exemple un peu, là. Mais donc Laurent, Quentin et Sébastien, ben félicitations, vous avez les trois photos, les trois premières places. Puis ben coudonc, les gens ont eu l'air d'aimer ça pas mal, ce petit défi photo-là. Fait qu'on en refera sûrement un à l'automne au retour. Bonne idée. Moi, en tout cas, j'ai aimé ça le faire aussi. Ça m'a pris du temps. J'ai brisé une de mes petites lampes qui supposément résistait à l'eau. Ben, en fait, oui, elle a résisté à l'eau. Mais en appuyant sur le bouton, à un moment donné, il y a un petit truc à l'intérieur qui a lâché. Puis là, il faut que j'aille avec des petites pincettes, là, des trucs pour épiler, là, pour aller replacer le truc avec de la colle. Puis en tout cas, je vais m'amuser cet été. Mais ça a été pas mal intéressant de trouver mon idée puis de la mettre en pratique. On va passer au bloc nouvelles. Vas-y Christian, tu as une petite nouvelle. Ah oui, c'est un suivi d'une nouvelle dont on a parlé il y a quelques semaines. Il y avait une photo, un fichier de JPEG qui faisait planter des milliers de téléphones Android, donc qui roulait sur Android 10 précisément, si je me souviens bien. Puis ben là, l'auteur de la dite photo s'est manifesté parce que sa photo est devenue virale, mais pas pour les bonnes raisons. Exact. Non, mais semble-t-il, c'est ça le plus bizarre, c'est que c'est pas... tu sais, dans certains cas, on a vu des situations où il y a des gens qui ont fait des photos ou qui ont voulu briser des choses en faisant des photos. Je sais que je l'ai vu dans les dans les manifestations. Il y en a qui disaient, pour ne pas se faire reconnaître par la reconnaissance vocale, il y avait des façons de faire des dessins dans ton visage ou des choses comme ça. J'ai vu pour l'intelligence artificielle, pour tromper les caméras des automobiles qui se conduisent tout seuls, des signes qui peuvent être mis pour les tromper, puis qui font des mauvais mouvements, des choses comme ça. Mais dans ce cas-là présent, ce n'était pas intentionnel. C'est une pure coïncidence que ça l'a cassé. Ils savent même pas vraiment là, qu'est-ce qui a causé totalement ça. C'est probablement dans l'espèce de ce qu'on appelle le header ou l'entête du fichier JPEG qui donne certaines informations. Ou... Ben, il semble-t-il que ça pourrait être aussi en partie à cause de Lightroom où ce qu'il a pris, les façons qu'on peut éditer pour avoir les couleurs différentes, il y en a une qui a pris qui s'appelle Profoto RGB Color Space, puis c'est en partie peut-être pour ça que le trouble serait arrivé, parce que ce n'est pas lisible par Android. Ah, c'est quand même particulier, on s'entend que c'est rien que ça. C'est bizarre que ça, que tu vois pas la photo, je le comprends, mais que ça casse le téléphone en tant que tel, je le comprends moins. Non, c'est assez intense. C'est un peu intense, là, disons que... Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que la personne était très mal à l'aise de tout ça, puis tu sais, c'est triste parce que c'est une belle photo en plus, là, je veux dire, c'est pas... je comprends que des gens aient voulu le mettre comme fond d'écran, définitivement, puis... Cette pauvre personne qui est le Gaurav Agrawal était un peu mal à l'aise de cette situation. Il n'y a pas du tout à s'en faire là-dessus. Là. Il n'est pas responsable de ça. Là. C'est une mauvaise manipulation, comme on pourrait dire, mais quand c'est pas intentionnel. En effet. Et ça lui aura valu de passer en entrevue à la BBC, rien de moins. Donc, tant mieux pour lui, en quelque sorte. Là. C'est sûr qu'il était là un peu pour se défendre, mais. Il n'y avait rien commis de façon volontaire. Non, c'est ça. C'était pas intentionnel. Bon, parfait. Puis, je vais te rajouter une autre chose que je viens de voir il y a quelques minutes. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le plan de match. Mais il y a quelques épisodes, j'avais parlé de l'ajout de la possibilité d'utiliser une caméra de Fuji de la série X avec son ordinateur pour l'utiliser comme webcam. La seule petite détail, c'est qu'il n'y avait rien qu'une version Windows. Eh bien, ils viennent juste d'annoncer, Fuji, que la version pour Mac sortirait d'ici la mi-avril, fin avril. Avril? Fait que si... Oui, définitivement. C'est pas ça que j'ai dit. T'as compris avril, mais j'ai dit juillet. Ah, ok, bon, pardon, ça doit être Je sais l'âge. même pas pourquoi j'ai dit avril. Pour vrai, j'ai aucune idée que ça a C'est sorti parce que tu avril. t'es arrêté au moment du confinement, et là, le mois prochain, pour toi, c'est avril, ça doit être ça. C'est la seule explication. Hey boy, hein? Ouais, en tout cas, mettons. Mettons que c'est... Ben, merci Stéphane, ça va être ça. Oui, c'est ça. Mais je sais pas. Mais bref, ça va être mi-fin juillet. Là, il n'y a pas de date OK. exacte, là, mais tu sais, Fuji vous a pas oublié. Bon, mais tant mieux, mais je vais mettre une petite note dans mon texte Best Buy, justement, parce que là, je viens de faire une mise à jour pour parler de ça, de Panasonic, de Nikon aussi. En tout cas, j'ai ajouté des petits Oui, il y détails. en a plusieurs qui ont décidé de faire ça, ce qui n'est pas une Ouais. mauvaise idée. Quoique, puis ça va peut-être être à rechecker, mais j'ai vu quelqu'un dire vous êtes mieux de pas faire ça parce que c'est pas très bon pour le senseur, le capteur qui pourrait être abîmé de façon plus Ben, c'est rapide. pas Puis je suis pire comme qu'en tournant de la vidéo. Ben, Ouais. c'est sûr que tu laisses allumer C'est peut-être ça que une je heure, comprends. 2 heures, mais alors que de la vidéo, tu es limité à 30 minutes là, de façon artificielle, mais Ouais, je mais. vois pas vraiment le problème. Non, moi non plus. Puis honnêtement, ça m'a posé la question. Je vais peut-être Ouais. faire des recherches. Je serais curieux de voir si ça peut causer des problèmes à ce point-là. La seule chose que je C'est verrais, intriguant. c'est que l'appareil pourrait surchauffer si tu es en 4K, mais personne ne va se servir de Oui. son appareil photo comme caméra web en 4K. Là, ça fait pas de sens avec la bande Ben, passante nécessaire pour ça. non. Ben, puis on s'entend, toi puis moi, là, que c'est inutile. Je veux dire, Ben oui. c'est-tu vraiment nécessaire d'avoir une image 4K pour faire de la vidéoconférence, là. Exact. C'est déjà bon que tu aies une meilleure image que ce qu'on a normalement. Pousse pas trop, Non, là. c'est ça. Parfait. Ah, ben moi j'ai une petite nouvelle triste. C'est la fin du rêve pour Light. Est-ce que tu connais Light? Ça me dit rien. C'était l'entreprise qui avait voulu faire un téléphone, ben une caméra avec 16 modules. Donc il y avait l'équivalent de 16 objectifs intégrés. Ouais, on a parlé de Oh, oui, on ça. en avait parlé. Le pire, c'est qu'il n'y a pas longtemps, je la cherchais, cette chose-là, parce que ma copine, elle me parlait, puis elle disait, tu sais, c'est ridicule, les appareils photo avec trois capteurs dessus. Elle dit, ça sert à quoi? Tu sais, elle comprenait pas le but. Là, j'ai dit, ben, il y en a maintenant qui ont quatre, puis je me rappelais de celui-là. Puis j'essayais de le retrouver, puis je me rappelais pas du nom, j'étais pas capable de le Non, trouver. Fait que c'est light, ouais, je OK. me souviens pas non plus dans quel épisode on en a parlé. C'était pas un des sujets principaux, disons, là. Mais bon, toujours est-il que cette entreprise-là avait fait partenariat avec Nokia sur le Nokia 9 et avait même fait une puce personnalisée, une puce custom pour aider le processeur Snapdragon à capturer les données grâce à tous ces capteurs-là. Et puis finalement, ben avec Après beaucoup de temps de développement et de dépenses, ils n'ont pas réussi à rentabiliser le tout. Puis là, ben, Light a décidé de suivre la trace de Lightrow et d'abandonner son projet révolutionnaire. On s'entend, on va se dire la vérité, toi puis moi, là, c'était une idée un peu ridicule. Parce que, tu sais, je veux dire, je le regarde là encore, tu as 6 modules d'appareil photo là-dessus. C'est une Il y en a caméra. 16. Toi, je t'avais dit que j'étais trop fatigué pour faire le show ce Je te soir. surveille, je te surveille. Il y a 16 appareils photo là-dessus, puis c'est 2 000 $, mais qui va mettre 2 000 $ pour ça? Ça reste quand même un téléphone, dans le fond, là. C'est Des pas. petits capteurs, là, c'est ça Exact, là, t'auras l'affaire. pas la qualité d'un autre, là. Fait, je vois pas tant l'intérêt de ça. Ben justement, moi je vais te dire pourquoi c'est pas viable. Parce que quand tu vas voir qu'est-ce que le Huawei P40 Pro Plus est capable de faire, ça donne plus rien de mettre 16 modules sur un même appareil. Tu vois, le P40 Pro Plus a un zoom optique de 10x et puis son capteur fait presque 3/4 de pouce. Donc attention pour les auditeurs français, 0,75, 1,9 cm de diagonale quand même le capteur. Donc c'est rendu gros. Mais en tout cas, moi je l'ai calculé comme ça là, parce que ça dit que c'est 1 sur 1, virgule, voyons, j'ai perdu l'information là. J'avais la taille du capteur dans un article, mais c'est disparu. Enfin, c'est pas grave. c'est quand même un gros capteur. C'est un des plus gros capteurs sur téléphone mobile, sinon le plus gros. Et ça, son zoom et la qualité d'image battraient l'iPhone 11 Pro et le Galaxy S20 Ultra, c'est pas peu dire. Ouais. Ce sont quand même des téléphones qui coûtent assez cher, merci. Et voilà, on l'a toujours dit. Il y a juste le détail qui est comme important. Là, peut-être que les appareils photos sont bons, tout ça, mais malheureusement, il y a le mot Huawei inclus dessus. Puis je dis pas ça méchamment, là, c'est pas. Mais c'est parce que maintenant, n'ayant plus l'accès aux États-Unis. au Google App Store, c'est plus dur à vendre, disons que c'est pas facile. Là. Ouais, on s'entend que ça. Tu sais, pour beaucoup de monde, je lisais cette semaine justement quelqu'un qui disait c'est le fun parce que pas obligé d'avoir de compte Google, par exemple. Il y a quand même un avantage avec ça. Là. En effet. On dit qu'est-ce qu'on voudra sur Apple, mais tu n'as pas besoin techniquement du... À part pour l'Apple Store, tu peux t'en sortir relativement assez bien sans le compte. Tu peux installer les APK, les fichiers APK, et, sauf qu'il faut juste que tu les cherches un peu plus. C'est pas tout centralisé. Disons que tu compliques un petit peu plus la vie. Là, c'est moins facile, mais là... Huawei, zéro accès. Là, fait que ça veut dire que tes applications... puis je disais que... C'est pas non plus la mer à boire, là, qu'est-ce qu'il y a comme application. Les grosses sont pas toutes là encore. Là. Mais ça peut devenir, tu sais, s'il est vraiment bon pour la photo, ça peut devenir un téléphone et appareil photo. Puis, si, tu sais, il y a des gens qui n'utilisent pas tant d'applications que ça sur leur téléphone. Tu vas sur le web, puis tu t'en sers comme téléphone, justement, un peu de messagerie, puis appareil photo, parce que. Oh, et puis là, y a quand même... on s'entend que les applications, c'est pas bien grave. Là, c'est ta messagerie, puis ton appareil photo, t'as pas besoin de. En tout cas. Ben, c'est ça. Puis, bon, l'appareil de Lite avait 16 capteurs. Ou objectif, plutôt. Celui-là a quand même 5 caméras. Donc, il y a un objectif standard avec capteur 50 mégapixels. Il y a un ultra grand angle à 40 mégapixels et un zoom optique 3X à 8 mégapixels. Et de l'autre côté, on a un zoom optique à 10X à 8 mégapixels et ce qu'ils appellent un Time of Flight Depth Sensing Camera. Donc, c'est... un capteur de profondeur temps réel ou je sais pas trop time of flight je me rappelle pas comment ça se traduit là. Moi non plus honnêtement là, je te dirais qu'on n'a pas vu ça tant souvent c'est assez, que ça c'est assez poussé c'est... mais c'est quand même ça permet de justement percevoir la profondeur probablement un peu à la façon que l'iPhone fait ses portraits un peu en 3D là, ce truc-là. Donc ça permet peut-être de faire justement un bokeh à l'arrière des trucs comme ça. Donc, vous irez voir, c'est sur le site cnet.com. Il y a beaucoup de photos comparatives que vous pourrez voir qui ont été prises avec le Huawei P40 Pro Plus. Et il y a des comparatifs avec ses rivaux de chez Apple et Samsung. Puis, il faut. Ce qui est particulier, c'est qu'il ne faut pas se tromper parce que je lisais une critique du P40 Pro ordinaire. Ouais. Ou en tout cas, regarde, tu vois, c'est ça, je commence à trouver que c'est rendu mélangeant à un moment donné, là. Ben, je lisais une critique, c'est une semaine à peu près, puis ils ont fait le test avec, c'était un Pixel 4, iPhone 11, puis le P40, puis c'était lui qui tombait toujours, le P40, le dernier des trois, puis il demandait à plein de monde dans le bureau, puis c'était systématiquement le même qui tombait l'an dernier. Puis là, tu te dis, OK, mais c'est particulier de penser que, tu sais, les autres téléphones qu'on connaît, ils ont souvent au moins le même appareil photo. C'est juste qu'il en rajoute d'autres. Mm-hmm. Mais là, ça me semble même pas être la même qualité de l'un à l'autre. C'est spécial quand même quand tu y penses. Là, c'est drôle de façon de fonctionner. Oui, oui. Ah, on a entendu une petite cloche. C'est que j'avais oublié de désactiver. C'est quand un spectateur a quitté le... A spectaté. C'est déconnecté. Donc voilà, ben, si ça se produit à l'occasion, à l'arrivée ou au départ d'un spectateur... vous saurez ce qu'est cette petite clochette. Ben, si jamais vous appréciez ce qu'on fait, ben, on a besoin d'un petit coup de main. Hein. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire grâce à notre Patreon. C'est une petite contribution qui va nous aider non seulement à poursuivre nos activités, mais aussi à vous en offrir encore plus. Vous pouvez contribuer pour un seul mois, vous pouvez renouveler, vous pouvez contribuer au niveau que vous voulez. Ça commence à 2 $ par mois, 2 $ américains, mais on s'entend, là, 2,75 dans ces coins-là. Et puis, en retour, ben, vous pouvez justement nous écouter en direct. Vous pouvez avoir droit à des épisodes exclusifs. On vous offre des critiques photos, un cours photo privé avec nul autre que moi-même en vidéo. Et puis, il y a beaucoup plus que ça. Donc, voilà, vous allez sur objectifnumérique.com et en haut à droite, il y a un petit bouton « Faire un don ». Puis, à partir de là, vous aurez toute l'information et vous pourrez choisir à quel niveau vous voulez contribuer. Et comme je le mentionnais un peu plus tôt dans l'émission, on a du contenu exclusif qui s'en vient cet été, alors que l'émission régulière sera en pause, comme à l'habitude, donc jusqu'à la fin août, début septembre, quelque chose comme ça. Donc, si vous vous ennuyez pendant vos vacances et que vous voulez du contenu, ben d'ailleurs, on a déjà la deuxième moitié de l'entrevue qu'on avait faite il y a quelques épisodes. C'était l'entrevue avec Éric Demers au sujet de sa photo de Greta Thunberg. Évidemment, la première partie parle surtout de sa photo, etc. Mais la deuxième partie donne beaucoup d'informations sur si jamais vous voulez soumettre une photo à un magazine, des trucs comme ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de stock. On a quoi, 20 minutes dans l'épisode, puis on a un autre 24 minutes supplémentaire pour les membres Patreon. Donc, déjà, vous pouvez aller écouter cette deuxième partie. Et il y a la photo du mois aussi que vous pouvez télécharger en format, en grand format finalement. C'est au moins du 6000 par 4000 pixels. Donc, c'est prêt à l'impression. Je vais publier bientôt une nouvelle image. Il y en a une en ce moment. Puis, comme ça, ben, il y en aura une deuxième au cours des prochains jours pour le mois de juillet. Et ben voilà, donc comme je le mentionnais, des épisodes spéciaux qui vont s'attaquer à des sujets plus précis, plus pointus peut-être. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, bien allez faire un tour sur patreon.com/au numérique. Et puis, ben, comme je fais depuis le début, je remercie les nouveaux patrons à chaque semaine, peu importe leur niveau d'appui, pour justement les remercier d'être parmi les premiers à nous soutenir. Et cette semaine, on remercie Clyde et Harry. Donc, merci à ces deux nouveaux patrons qui nous permettent... ben, en fait, notre premier objectif a été atteint la semaine dernière. Donc, ça renforce encore plus notre position vers le deuxième objectif. Donc, en ce moment, grâce à vous, grâce à vos dons, on est en mesure de payer le site web, le boost du serveur Discord, justement, pour obtenir une meilleure qualité sonore, meilleure qualité vidéo. Et puis, on s'enligne vers les nouveaux projets qui s'en viennent. Puis, ben voilà, on va peut-être faire une petite mise à niveau de l'équipement, console, casque d'écoute, etc. Donc, voilà, on vous remercie beaucoup à l'avance et on remercie les patrons qui nous soutiennent déjà depuis le début ou depuis quelques jours. Ouais, c'est vraiment super, honnêtement, la réponse est vraiment bonne. Là, je suis vraiment content, moi aussi. Merci beaucoup tout le monde, sérieusement. Là. Très apprécié. Et où est-ce qu'on est rendu? Ah oui, on est rendu au topo de la semaine. Il y a Adobe qui a fait une mise à jour majeure de certains logiciels que vous connaissez bien, Lightroom, Photoshop, mais aussi Camera Raw. Donc, beaucoup, beaucoup de nouveautés. Et puis, ben, je commencerai par Lightroom. Moi, c'est celui qui m'intéresse le plus, honnêtement. Dans la version de juin 2020, donc, il y a autant pour poste de travail, donc que ce soit Windows ou Mac, il y a iOS 5.3. Ben, 5.3, c'est la version Lightroom et non iOS, là, évidemment. Oui, parce que 5.3, ça fait un petit peu quelques années, non, disons. Non, c'est ça, c'est la version Lightroom iOS 5. Ben, Lightroom 5.3 pour iOS et Lightroom 5.3 pour Android. Donc, il y a un paquet de trucs. Il y a le réglage de la teinte locale, donc le Local Hue Adjustment. Il y a la création de versions de modifications. Ça, c'est vraiment intéressant parce que tu vas pouvoir essayer. Puis ça m'arrive à l'occasion. Je me crée une copie virtuelle, puis là, je fais des modifications sur elle. Là, je reviens sur l'autre copie. Puis ça fait beaucoup de copies que là, à un moment donné, tu ne sais plus trop laquelle est laquelle. Là, tu peux enregistrer juste des versions de ta photo de ton image au lieu de créer des copies supplémentaires. Donc, ça fait moins de gestion un peu à ce niveau-là parce qu'évidemment, les versions sont virtuelles. Tu peux juste cliquer un coup puis tu vois c'était quoi tes ajustements. Il y a la personnalisation des paramètres par défaut des photos RAW. Ça fait longtemps que je l'attendais parce qu'il y a beaucoup de paramètres d'importation par défaut qu'on peut personnaliser maintenant. Donc, parce que sinon, à chaque fois au début, il faut toujours que tu refasses les mêmes étapes. Puis là, une fois importé, là, tu commences à travailler tes photos. Là, ça va peut-être permettre de sauver quelques précieuses minutes à chaque importation. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a l'ajout de filigrane de texte aux photos. Donc, étonnamment, on pouvait ajouter une image, mais pas du texte. Il me semble que j'en avais déjà ajouté du texte, mais peut-être que je me trompe, là. Mais il y a un filigrane qui va aussi, en version desktop, là, poste de travail, va se synchroniser sur mobile si jamais vous intégrez un filigrane. Par contre, vous ne pouvez pas le faire au départ sur mobile, d'après... en tout cas pour la version actuelle. Mais quand même, c'est un bon point de départ. Il y a l'envoi de photos vers Photoshop sur iPad. Donc, pour ceux dont le workflow, là, dont le flux de travail implique que tu partes de ton ordinateur portable, Mac ou PC, puis ensuite, tu t'en vas sur iPad peut-être pour présenter des photos à un client, des trucs comme ça. Bien là, il y a une nouvelle option qui permet l'envoi simple de photos vers Photoshop sur iPad. Donc, à voir. Peut-être que, justement, une fois que les photos sont passées dans Lightroom, il y en a des gens qui préfèrent les terminer sur Photoshop. Je sais que moi, pour certaines petites retouches de correction, des trucs comme ça, j'aime ça. Je préfère travailler dans Photoshop. Les outils sont un peu plus avancés, disons, ou un peu plus... Oui, il y a une grosse différence entre les deux, honnêtement, là. Donc, c'est une bonne option. Par contre, bon, moi, ça ne me servira pas parce que ce n'est pas sur iPad dont je me sers de Photoshop, c'est sur PC aussi. Mais pour ceux qui s'en servent sur iPad, c'est une bonne nouvelle. Puis, évidemment, il y a la prise en charge de nouveaux appareils photo et objectifs. Donc, là, pour avoir la liste complète, vous pourrez aller voir. Je vais mettre le lien dans les notes d'épisode. Mais sinon... parmi les autres améliorations, il y a des notifications qui s'affichent dans l'icône en forme de cloche quand il y a des j'aime ou des commentaires qui sont ajoutés à des albums partagés. Sur mobile, les observateurs, les contributeurs d'albums partagés peuvent ajouter des j'aime ou des commentaires. Donc, il y a quand même des petits trucs intéressants là, au niveau de l'interaction, si on veut, avec vos images. Du côté de Photoshop, il y a ce qu'on appelle une sélection améliorée et plus rapide des portraits. Donc, c'est une nouvelle façon de travailler là, avec les portraits. Il y a l'option « Sélectionner un sujet ». Donc, tu sélectionnes précisément une personne en un seul clic. Ça, je trouve ça vraiment fort. Ça va aider peut-être à, justement, si tu as quelqu'un, des fois, qui est juste comme derrière quelqu'un d'autre et qui est plus sombre, puis là, tu te dis « Ah, je voudrais juste augmenter un peu la luminosité parce que ça décale un peu à cause de la lumière ou peu importe, la personne devant faisait de l'ombre ». Bien, peut-être que là, tu peux sélectionner la deuxième personne puis juste travailler sur cette portion de l'image-là. Il y a une activation automatique des polices Adobe Fonts. Donc, si jamais vous travaillez, ça fait partie de votre workflow, bien, il y a une nouvelle fonctionnalité là, qui va peut-être vous sauver du temps. Il y a l'ajout de motifs qui peuvent pivoter. Donc, on peut modifier l'orientation de n'importe quel motif dans des calques incrustations de motifs et dans motifs. Donc, moi, je ne me sers pas de ça, mais si jamais vous, c'est votre cas, bien, ça peut être utile. Quelque chose d'assez pointu aussi, ils ont amélioré la fonction « Trouver une police similaire ». Donc, si jamais vous aimez une police et que vous ne la possédez pas ou... que peut-être qu'elle coûte trop cher, ça peut arriver aussi parce que les polices ne sont pas toujours gratuites, bien, vous pourrez trouver une police qui lui ressemble, peut-être gratuitement ou peut-être à prix plus modique. Et elle prend désormais en charge le texte vertical, la détection multiligne et encore plus de polices, évidemment. Donc, une belle petite amélioration. Et puis, du côté de Camera Raw, bien, c'est l'espace de travail qui a été mis à jour. C'est un agencement un petit peu plus fluide, un peu plus pertinent des outils qui va permettre de mieux travailler vos photos, là, finalement. Donc, il y a la possibilité d'utiliser plusieurs panneaux de modification en même temps, créer, définir des paramètres prédéfinis comme valeur raw par défaut. Donc, on va chercher un petit peu l'amélioration qui a été faite à Lightroom. Il y a un nouveau curseur teinte dans le panneau des réglages locaux. Incrustation de grille de recadrage centrée 2 par 2 pour recentrer le cadrage sur le centre exact d'une photo. Donc, ça peut être utile. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dans Camera Raw, je vais t'avouer. Donc, je suis plus ou moins familier maintenant avec les fonctionnalités qu'il y a là-dedans. Hey boy. Mais oui. Je sais qu'il y a des gens qui... Moi, hey, sérieux, je me rappelle même pas la dernière fois que je l'ai ouvert. Sérieusement, là, ça... Ouais, ça, moi, ça doit faire... une bonne dizaine d'années. Facile. Ouais. Mais bon, maintenant, comme on peut voir, ben, c'est tout plein de nouveautés, tout plein d'améliorations. Alors, vous irez voir ça. Fort intéressant. Avais-tu vu quelque chose à ce sujet-là? Avais-tu des commentaires? Honnêtement, j'utilise quasiment plus Photoshop, pour être franc, ni Lightroom. C'est très rare. Okay. La majorité des modifications que je les fais sur des applications sur mon iPad. Je sais que l'un et l'autre sont là, mais je les utilise plus beaucoup. Non, mais moi, je m'en sers. Pas sur mobile, mais sur mon PC, c'est Lightroom, assurément. Puis Photoshop pour faire des retouches, justement, des petites corrections, là, vraiment souvent mineures. Mais il y a des outils quand même le fun là-dedans. Là. Ben OK, donc ça fait le tour. Puis, ben tiens, j'en profite pour vous rappeler, si jamais vous avez découvert cet épisode par hasard, vous pouvez vous abonner à Objectif Numérique. On est sur toutes les plateformes de balado-diffusion, sur Apple Podcast, Google Play, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher, Rivercast Media, et on est diffusé tous les samedis midi à choc.ca. Donc, c'est assez difficile de ne pas nous trouver. Disons qu'il faut faire exprès pour ne pas nous trouver, là, rendu ouais, à ce point-là. Là. Bon, puis on va passer aux suggestions de la semaine. J'ai deux petites suggestions. Je vais commencer par une, puis je te laisserai présenter la tienne par la suite. Moi, ce sont 21 photos de Londres au début des années 60. Donc, c'est des photos, évidemment, noir et blanc, mais on voit à quel point la ville a changé depuis. Hein? On voit des usines, on voit un paquet de trucs là, de... des vieilles voitures. Il y a de la neige aussi. Hein? Je ne sais pas s'il neige souvent. C'est une image qu'on a, nous autres aussi, qu'il n'y a pas de neige à Londres, mais j'ai vu quelques photos, c'est très joli. Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas autant de neige que nous, mais il y en a quand même un peu de temps en temps. C'est là. Ça. Donc, tu sais, il y a quand même des photos intéressantes. Là. Sandford Hill, St. Mary's Road, il y a un paquet de... C'est des belles photos d'époque. Il y a une gare aussi de Longton. Puis, c'est ça. Moi, je trouvais ça intéressant parce que, Londres, c'est une des villes où j'aimerais aller, mais je ne suis pas encore allé. C'est sûr que ça a changé de ces photos d'époque, mais moi, je trouve ça toujours intéressant de voir des photos d'époque d'une ville. Puis après ça, tu arrives puis tu vois que c'est vraiment différent comme la première fois. La première et seule fois que je suis allé à Berlin, j'ai trouvé ça vraiment très moderne comme ville. Évidemment, Berlin a été reconstruite au milieu du siècle dernier, là, après la Deuxième Guerre, mais c'est assez fascinant parce que moi, je sortais de Prague à ce moment-là, puis qui est une ville qui avait été épargnée par la guerre, donc il y a des vieux, vieux, vieux buildings. Puis là, tu arrives à Berlin, puis c'est complètement différent. Là. C'est super moderne comme ville, donc... J'avais trouvé ça impressionnant. Faut dire qu'on s'entend que Berlin, il y a quelques 70 ans, a pas mal été ravagé, mettons. Ben c'est ça. Donc, ça a permis une reconstruction un peu plus moderne de la ville. Toi, qu'est-ce que tu as? Ah, tu as des photos, toi aussi. Ce que j'ai à vous proposer, c'est 9 portraits conceptuels. Ce que l'artiste a décidé de faire, c'est il a pris des... des petites salles miniatures qui ont été faites. Dans certains cas, c'est un restaurant. Dans un autre, c'est une chambre. Il y a plein d'autres choses comme ça. Puis, à l'intérieur de chacun de ces petits sets-là, ce qu'il a mis, il a mis une figurine. Okay. Puis, avec Photoshop, il a édité la photo et il a mis par-dessus la photo de quelqu'un. Mais ça paraît pas tant que ça que c'est des photos miniaturisées. C'est ça qui est impressionnant. Là. Il y a un niveau de détail vraiment, vraiment fort. Mm-hmm. Puis, on peut pas vraiment le voir. Là. Honnêtement, là, si tu me montres juste la photo comme ça, je te dirais que je l'aurais pas vraiment su. Il y a quelque chose qui cloche. Mm-hmm. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est particulier. Tu sais, que je sais pas c'est quoi. Là. Il y a un petit côté étrange, mais tu sais pas c'est quoi. Mais quand tu vois la photo, après, tu fais comme « Oh, OK, là, je viens de comprendre c'était quoi le problème. » Ouais. Puis il y a même, je regarde, il y a même des vidéos qui expliquent ouais. comment ça a été fait. Fait que ça, c'est intéressant. Oh, ouais, non, c'est vraiment bien fait, franchement. Là, c'est vraiment beau. Mm-hmm. Puis l'autre chose que j'ai vu, ça m'a fait penser à ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur Facebook qui s'appelait 2020, c'est « The Year the Earth Stop ». Ou l'année que la Terre a arrêté. Puis okay. c'est plein de photos où ce que tu peux voir d'un drone, que ça soit dans un aéroport, où ce que tu vois des dizaines d'avions qui sont arrêtés, qui bougent pas. Dans un port, tu as des trentaines, quarantaines de bateaux qui sont tous arrêtés. Il y a personne qui bouge. C'est toutes des situations comme ça, des plein de taxis jaunes arrêtés. On en a vu beaucoup des photos comme ça par rapport à la pandémie, mais j'y trouve particulièrement belles, celles-là, parce qu'elles sont souvent prises un petit peu plus de haut. Mmh. Puis c'est le côté, c'est le côté, tu sais, le temps a arrêté, là, presque un film de zombie, là, qui est particulièrement intéressant, que je trouve vraiment beau, là. Je vais te l'envoyer, je vais le copier tout de suite dans les liens. Super. Hey, tu me fais penser, j'ai complètement oublié de te narguer un petit peu avec ceci. Nya, nya, nya. C'est pas tout à fait au point, mais c'est le Fujifilm X-T4 que je tiens en main avec le petit objectif 23 mm f1.4. C'est pas juste. Ouais, j'ai bien hâte de l'essayer. En fait, j'ai fait une photo aujourd'hui, je vais la mettre dans les notes d'épisode, puis je vais mettre la photo comparative avec mon A7R2, puis écoute, celle que je vais mettre est en noir et blanc, là, mais j'en ai pris une en couleur aussi. Le traitement des couleurs... C'est quelque chose. Ouais, je sais. J'adore ça. Et ça m'a permis d'ajuster les miennes dans mes réglages, tu sais, les modes, là, comme neutral, standard, paysage. Ça m'étonne pas. Là, je suis allé voir, puis j'ai ajusté un tout petit peu. Puis même dans mon noir et blanc, j'ai ajusté un peu un truc parce que j'ai des modes un peu personnalisables. Et là, je me dis, parfait, je vais avoir peut-être moins d'éditions à faire dans Lightroom après parce que mes couleurs vont être déjà un petit peu désaturées. Parce que moi, je désature presque toujours mes photos. Puis, parce que la plupart des fabricants ont cette manie-là de ajouter juste un petit kick de lumière, une petite saturation, mais qui n'est pas nécessaire parce que c'est pas ça la réalité. En effet. Puis, j'étais dans ma pièce bien éclairée et là, je regardais mes machines techno pour faire de la musique. Puis, j'ai juste une petite bande verte autour de certains éléments là, sur l'appareil. Puis là, je voyais comment Fuji l'avait traité. C'était vraiment très près de la réalité. Puis mon Sony était juste un petit peu au-dessus. Fait que j'ai juste ajusté une coche. Puis là, ben déjà, ça va m'éviter peut-être de toujours juste retoucher un petit peu ma saturation ou la vibrance, là, le vibrance dans l'iPhone. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, j'ai bien hâte de faire plus de tests. Le mode rafale, écoute, c'est beaucoup trop rapide, j'en revenais pas. J'ai publié une photo que j'ai prise avec ma copine là, sur Facebook, mm-hmm. mais la première fois, j'ai pas touché au réglage, fait que je m'attendais pas à ce que l'appareil soit en mode rafale, mm-hmm. puis il était en mode rafale rapide, puis là ça fait wow, attends un peu là. Puis je pense qu'ils te l'ont passé avec la grippe encore, puis de mémoire, je pense qu'il y a encore plus ça permet, de photos quand tu prends la... Ouais, ça permet d'aller encore plus vite. Donc c'est ça, j'ai effectivement la poignée de batterie là, pour le prendre à la verticale. J'ai aussi l'objectif Fujinon 16-80 mm f4. Ouais. Ça va être fort intéressant. En effet. Ouais. Puis d'ailleurs, ben là, je ne sais pas quand je vais faire le test exactement, mais pour les auditeurs, vous regarderez peut-être en juillet. Là, je vais soit que je sais pas si je vais en faire un épisode spécial ou en tout cas. Mais c'est sûr que je vais faire aussi un test sur le blog de Best Buy. Donc, à la limite, allez jeter un coup d'œil au blog de Best Buy vers la mi-juillet. Là, même 10 juillet, ça va être publié, c'est sûr. Au pire, partage-le sur la page d'Objectifs Numériques. Tu sais, pour des affaires comme ça, ça peut être intéressant. Oui. Bon, puis sur le Twitter, le Facebook, etc. Puis comme ça, ben vous pourrez voir. Mais bel appareil. Au début, je le trouvais gros, massif. Mais finalement, il a la même épaisseur que mon Sony. Il est juste comme 1 cm plus large. Donc... Mais il me donnait l'impression d'être plus massif. Peut-être ouais. parce qu'il est juste comme un tout petit peu plus carré, je sais pas. Ouais, peut-être. Mais il y a du monde qui dit que la poignée en tant que telle, la mise en main, est un petit peu plus grosse qu'elle l'était auparavant aussi. Oui. J'aime bien le petit renflement ici. Moi, j'aime bien ça quand justement on peut tenir l'appareil sans avoir peur qu'il nous glisse des mains. Là. Ouais. Ça, c'est parfait. Moi, je suis d'accord. Il est pas aussi prononcé que ceux de Sony. Là. Moi, j'adore ceux de Sony pour ça, pour la prise en main. Mais il est quand même vraiment très bien là, à ce niveau-là. Puis bon, ben, je voulais pas parler trop longtemps du Fuji. Je l'ai pas essayé tant que ça encore, mais à suivre pour le test complet. J'ai une autre suggestion, moi. C'est la carte du ciel en rayon X la plus complète à ce jour. C'est un petit fichier de 165 gigaoctets de données. Rien de moins. Juste ça. ça a été présenté par l'Institut Max Planck de physique extraterrestre le 19 juin dernier. C'est un balayage complet du ciel réalisé par la Eurosita, un instrument d'observation à rayon X. C'est un instrument de l'Observatoire spatial à rayon X russe Spectre RG. Eurosita a été lancé en juillet 2019, donc c'est quand même assez récent. Moins d'un an après, elle a fait un premier balayage complet qui s'est achevé le 11 juin dernier. Et puis, chacun des points du ciel a été capté entre 150 et 200 secondes chacun. Donc, tu sais, 3 minutes d'exposition pour chaque point du ciel, c'est quand même impressionnant. Là. Quand même, oui. Oui. Une définition qui devrait être quand même acceptable. Là. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça que ça pèse 165 gigas. En fait, le télescope est équipé de 7 caméras. Quand même un bon appareil. Hein. On est loin de Hubble et compagnie. Oui. On s'entend que c'est pas un téléphone cellulaire. Non, c'est ça. Puis au cours des prochaines années, ben, il prévoit faire d'autres cartes, là, une autre cartographie, parce que bon, les données, la sonde continue de se promener aussi, là, donc de pouvoir observer d'autres raccoins du système solaire et de l'univers. Voilà, ben, ça conclut pas mal. On avait même des petites suggestions et nouvelles bonus, donc c'est parfait. Ça fait pas mal le tour pour ce 168e épisode. On remercie toujours Maxime qui nous permet de garder la page Facebook en vie avec ses photos du jour, des photos toujours spectaculaires ou fort intéressantes. Et je voulais te remercier, Christian. Et te souhaiter de bonnes vacances. Merci, toi aussi. Puis on vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir participé au défi photo, d'être allé voter, de contribuer au Patreon. C'est vraiment très apprécié. Et sans vous, on ne serait pas là, évidemment. Donc, moi, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, pendant l'été, je m'assure de fournir du contenu exclusif pour les membres Patreon. Il va y avoir aussi la photo du mois à chaque mois, donc en très haute résolution. Donc, si jamais vous voulez acquérir une photo pour l'imprimer, la faire encadrer, etc., vous allez en avoir en contribuant au Patreon. C'est beaucoup moins cher si vous le faites vous-même aussi que si vous achetez une œuvre. Je vous dis ça comme ça, là. Puis voilà, peut-être qu'on retrouvera une image qui pourrait se retrouver dans mon exposition de l'automne, ou en tout cas qui va être dans la même lignée, soit en juillet, soit en août. Là, je vais mettre une petite... je pense que la prochaine, je vais m'assurer qu'elle soit en couleur. La première était en noir et blanc. Donc la prochaine sera en couleur, puis celle du mois d'août, ça sera une autre image en noir et blanc. Donc vous irez voir ça, jeter un petit coup d'œil. Et évidemment, si vous voulez venir faire un tour sur le serveur Discord et discuter avec nous, on a parlé de modules de géolocalisation, de sacs photo, d'un paquet de trucs. Donc voilà, venez discuter avec nous, puis ça va nous faire grand plaisir. Et bien voilà, ceci conclut cette combienième saison? Huitième saison? Ouais, huitième saison d'Objectif numérique. Ça fait du sens, ça fait du sens. Déjà. Je m'attendais pas à ça. On a commencé la 9e année. Mm-hmm. La 9e année est déjà commencée, en fait, depuis le mois d'avril. Ah, fais pas ton bedon merci. Là. Non, hein, c'est ça. On est-tu rendu à 8 ou à 9? C'est une blague, bon. Benoît. Mais pour ceux qui choisiraient d'attendre à l'automne, eh bien, bon été. Et puis les autres, eh bien, on se recroise bientôt. À la prochaine!